un mal. Chapitre 13. Des cabarets s'échappait maintenant un large courant d'ivresse. On entendait des bruits de querelles avec des tapés de poing sur les tables. Le ronflement des jurons se mêlait à des chansons tristes, psalmodiées par des langues épaisses. Dans les jardins, les boules frappaient les quilles avec fureur. Il y avait des paris désordonnés, des paysans qui n'avaient qu'un toit de chaume et crevaient de misère. Parier 100 francs sur les jeux. Une mangeaille copieuse à mesure étançonnait les estomacs près de chavirer. Des femmes plongeaient leurs visages dans de vastes quartiers de tartourie. Des enfants barbouillés de prunes aiguisaient leurs dents sur de la pâtisserie sèche. Et les hommes tenant à deux mains des saucisses de viande de cheval entiraillaient à la force des mâchoires la chair filamenteuse. Ailleurs, on se bourrait d'œufs durs, et les pains d'épices achevaient de prédisposer les gosiers à des buveries incessantes. La bande arriva au soleil. Il fallut bousculer en entrant une file de monde qui sortait. Les garçons se mirent en avant, ouvrant un passage avec les coudes, et les filles, pressées l'une contre l'autre, poussèrent de tout leur corps. Un large rayon de soleil filtrait obliquement par les fenêtres ouvertes. Mettez sur la salle un poudroiement vermeil. Cette clarté les aveuglant, ils ne virent rien d'abord, et ils demeurèrent sur place la main devant les yeux, cherchant à se reconnaître. Puis leur regard s'habitua. Ils nommèrent par leur nom les danseurs et les danseuses. Les musiciens s'étaient mis en bras de chemise. Une des clarinettes, assommée par la chaleur, gonflait les joues et soufflait dans son instrument, en fermant les yeux et en ballant à demi la tête. Le cornet à piston continuait à marquer la mesure avec de petits hochements écourtés. Le tambour, qui était le plus vigoureux, roulait imperturbablement ses baguettes, les sourcils froncés. Et de la cage où tous se tassaient, partait une musique aigre et glapissante, sur laquelle des roulements creux de la peau d'âne passaient en rafale. Les couples tournoyaient. Chaque fois qu'ils passaient dans le ray de soleil, une lueur jaune illuminait les visages, enveloppait les vestes et les robes qui ensuite s'obscurcissaient dans la pénombre. Des sourires immobiles crevaient la face béate des filles. Les garçons sérieux, les yeux baissés, semblaient se livrer à un devoir de profession. Quelques-uns, demi-gris, cramponnés à leurs danseuses et les entourant de toute la largeur de leurs bras, mettaient leur gloire à sauter très haut en frappant fortement leurs pieds à terre. Cela bousculait tout sur leur passage. Un cigare planté dans le coin de la bouche, ils traversaient le bal avec des ruades de poulains lâchés, sans tenir compte de la mesure. Par moments, un danseur furieux les rembarrait d'un coup d'épaule. Une vapeur montait des habits et formait au-dessus du bal une buée grossie des fumées du tabac. Des filets de sueur sillonnaient les visages. Germaine sentit une main se couler sous son aisselle. Elle se retourna vivement et vit le commis qui lui souriait. Aussitôt, sans rien dire, ils se balancèrent et au bout d'un instant se trouvèrent emportés dans la danse. Ce fut comme une contagion. Zoé fut empoignée à bras le corps par un des meuniers, Célina par l'autre. Puis, des cavaliers se présentèrent aux demoiselles Isard et toute la coterie se mit à danser. Le commis était un grand garçon maigre, desséché par la noce. Tandis que les deux frères traversaient la bousculade des danseurs, cédant de leurs coudes et de leurs larges dos, lui se laissait entraîner, ne savait pas résister à la poussée des couples. Et tous deux, alors, étaient obligés de piétiner sur place, l'un en face de l'autre. Cela finit par une déroute. Le commis qui soufflait à court d'haleine avoua qu'il lui était impossible de continuer, et il reconduisit Germaine à sa place. Elle eut un haussement d'épaules, dédaignant d'instinct les êtres faibles. En ce moment, du renfort envahit la salle. La société des fanfares de l'endroit, son chef en tête, venait d'entrer. L'orchestre entama un air de valse. Il y eut un reflux général, comme d'un trop-plein qui déborde, et Germaine se vit séparée du commis. Des visages rouges l'entouraient, crispés de larges rires. Et tout d'un coup, elle haussa les sourcils, prise d'un saisissement. Cachapré était à deux pas d'elle. D'un coup d'œil, elle l'aperçut tout entier, dominant cette cohue de toute sa taille. Et une comparaison se fit dans son esprit, instantanée. Il était bien plus fort que tous, cela était visible, et plus grand, et mieux bâti. Il n'aurait eu qu'à remuer les coudes pour écarter une foule. Et il arriva à elle, le sourcil irrité. Il lui prit le bras. « Germaine !» Elle le regarda. Il frappa son cœur d'un coup de poing et une moiteur perla dans ses yeux. « Je vivais plus depuis ce matin, » fit-il. « À présent, je vis puisque t'es là. » Elle fut touchée du cri. Il avait mis sa fameuse veste, celle dont il lui avait parlé. Elle était de velours brun, côtelé. Le gilet et le pantalon étaient d'étoffe pareille. Et un col de chemise très blanc retombait sur un nœud de cravate, vert éclatant. Son torse carré se dessinait sous l'étoffe avec puissance, faisant bomber les pectoraux. Et comme les gens habitués aux besognes corporelles, il portait son costume avec aisance. Germaine fut reprise à la pensée que les autres hommes étaient bien étriqués comparés à lui. Et machinalement, elle regarda devant elle les dos bombés, les ventres débridés, le flottement des habits sur les épaules en biseau. Un chapeau de feutre mou posé en travers sur ses cheveux noirs lui donnait une crânerie martiale. La cohue tassée, incapable d'avancer, sautait sur place. Des têtes vacillaient. On ne voyait que des bouts d'épaule remuant. Et un énorme battement de pieds faisait trembler le plancher. « À nous deux !» dit-il. D'un geste rapide, il lui prit la main, mit la sienne sur sa taille et l'entraîna. Elle n'eut pas même l'idée de résister. Le large courant de sa force l'emportait. Et subitement, un vide se fit autour d'eux. Cachapré tournait, cambré sur ses reins comme pour une rixe. Ses pieds s'attachaient au sol de toute la fermeté de ses inébranlables jarrets. Il élargissait les coudes et carrait ses épaules. Ce fut une trouée. La foule, bousculée, oscillée, faisait des efforts pour s'écarter. Des cris partaient. « Hé, attention, fieux, hé, cachapré, pas de bêtises !» Il n'écoutait rien, avançait droit devant lui, la couvrant de son corps, luttant de ses reins, de ses épaules, de son dos. Des protestations s'élevèrent, un homme lâcha un mot vif. Cachapré lui lança un regard froid et lui répondit « Toi, je te repincerai tout à l'heure. » Le passage ouvert, d'autres couples se mirent en branle derrière eux. La circulation se refaisait. Il y eut une détente dans cette immobilité de toute une foule. Et Germaine, balancée contre la poitrine de son danseur, avait un vertige doux. Un moment, il cessa de tourner et ils demeurèrent isolés au milieu de la foule. Elle sentait ses genoux contre les siens. Sa main lui froissait le dos légèrement, et il la regardait avec un large sourire, heureux, en lui chuchotant des mots caressants. « Germaine, faut-il que je les ramasse par 10, 20, 50 ? Veux-tu que je me batte contre tous ? Dis, que te faut-il ? » Elle pensait alors à son premier danseur, le neveu de Isard. Et elle admirait la force tranquille du drille. Ils repartirent. La musique aigre la berçait entre ses bras, voluptueusement. Et le brouhaha, les fumées, l'odeur humaine répandue dans l'air, la grisant petit à petit, elle se sentait par moments défaillir. Une salacité fermentait du reste dans cette salle, où les chairs humides se tassaient. Des rires récompensaient la hardiesse des hommes déproitraillant les femmes. La pudeur de Germaine mollissait au milieu de cette paillardise générale. Quand la danse fut finie, il voulut l'entraîner. « Nous boirons un coup. » Mais elle était avec des amis, elle n'osait pas. Et puis, qu'est-ce qu'on dirait ? Et il répondait « Des idées, viens !» Elle céda. Une polka venait de commencer. Célina et Zoé et les filles du meunier dansaient. Personne n'était plus là pour la surveiller. Il fit déboucher une bouteille de champagne. Comme elle le regardait étonnée, il frappa sur la poche de son gilet. « Pas peur !» Et il commanda 3 bouteilles d'un coup pour les camarades. Cela fit sensation. Des mains se tendaient vers les coupes. Et des cris, des bravos se croisèrent. « Vive Hubert ! À toi, Hubert ! T'as donc vendu le bon Dieu et ses créatures ! Viva !» Ils étaient debout l'un contre l'autre près de la porte. Celle-ci les masquant à moitié. Elle agitait son verre et de temps en temps y mettait les lèvres à petite fois. Lui tenait la bouteille posée sur sa cuisse. « Moi, je boirai comme ça pendant des heures. Il n'y en a pas qui boivent comme moi. » Et désignant d'un mouvement de tête les autres buveurs, il ajouta en haussant les épaules, avec mépris, « C'est pas des hommes. » Il se versa une rasade et continua. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu dansais avec le neveu à Isard. Une fois, ça n'est rien que je me suis dit. Mais si elle danse 2 fois, je lui donne un mauvais coup au neveu à Isard. Germaine, je suis jaloux. Elle se mit à rire. De quoi ? Tu le sais ben de quoi ? De toi d'abord. Elle remuait les épaules, secouait de petites tapes de son mouchoir sa robe grise de poussière. Et répondait un peu ironique, « Eh bien, moi non, je suis pas jalouse. » Il se balança alors devant elle, souriant et lui disant, « Si tu voulais, nous serions une bonne paire d'amis tout de même. » Et elle l'écoutait sans rien dire, les sourcils écartés, gagnés par des songeries mauvaises. Et il répéta sa phrase d'une voix sourde, très caressante, « Nous serions une bonne paire d'amis, si tu voulais. » Elle fit un effort. « Rentrons, dit-elle. » Le champagne qu'elle avait bu dispersait ses idées. Elle voulut trouver un appui auprès de ses amis, mais elle les vit de loin, mêlés à un quadrille. Alors, comme elle faisait un mouvement d'impatience, il eut un mot brutal, terrible. « C'est pas la peine. Faudra bien une fois que tu y passes. » Elle le regarda avec stupeur. C'était à elle que cela s'adressait. À elle, la fille du fermier Hulotte. Une révolte gronda dans son sang. Puis, le voyant auprès d'elle souriant, paisible, avec son humilité de colosse, comme s'il n'avait rien dit, elle oublia le mot, n'en garda qu'une sensation vague de domination. Elle se sentait aller à cet homme. Et elle se mit à rire, en pensant à son assurance si peu déguisée. Ils dansèrent. Le soir était tombé, un soir bleu criblé d'un fourmillement d'étoiles, avec un vent tiède qui soufflait par bouffées. Des quinquets avaient été accrochés au mur de la salle. Malgré leur lumière, une pénombre traînait dans les coins. Et le bal continuait là-dedans, avec ses entrechats, ses assourdissantes retombées de pieds, qui faisaient monter la poussière en nuages. Des jets de clarté éclaboussaient les couples qui passaient dans le rayon des quinquets, puis ils s'enfonçaient dans les demi-teintes enflammées. Et des baisers craqués, mêlée au brouhaha des voix. La salle étant trop petite, une partie du bal s'était déversée dans la rue, devant la porte de l'auberge, et là, battait la nuit d'une bourrée qui ne cessait pas. Par moments, un des danseurs, assommé par la bière, tombait. On le remisait sur le bord de la route. Et la danseuse continuait avec un autre la danse interrompue. Une faim d'ivresse lourde s'abattait maintenant sur le village. Des hoquets partaient des tablés. Derrière l'auberge, des champs montaient en pente douce, coupés de haies, avec des bouquets d'arbres qui dentelaient en noir le bleu sombre du ciel. La chaleur du bal suffoquant Germaine, Cachapré l'entraîna dans cette grande paix fraîche de la nuit. Il lui prit la main, et leurs épaules se touchant, ils s'avancèrent sous l'ombre des feuillages. Des lilas jetaient leur senteur forte dans la vague odeur des terrains suant la rosée. Ils montèrent le long des champs. Elle s'abandonnait à demi. Il avait roulé son bras autour de sa taille. Et par moments, la pressait d'une large étreinte. Une mollesse la rendait faible contre ses hardiesses, et elle s'appuyait à lui, appuyée à son épaule, la rondeur de sa gorge frémissante. Elle n'avait plus ni conscience, ni pensée. Les yeux noyés, elle marchait dans les blancheurs de la lune, confuse comme l'atmosphère des songes, regardant sans les voir les silhouettes des arbres confondues dans une vapeur et le frisson de la terre, amoureuse, pénétrée au fond de ses veines, faisait couler en elle des sensualités. D'en bas leur arrivait un bruit sourd de voix et de musique, très doux. Ils virent au détour d'une haie la tache blanche de deux visages posés l'un contre l'autre. Et Cachapré se mit à rire. Alors une pensée occupa Germaine, sa mère. Un instant, elle revit ses calmes années d'enfance, le temps passé à ignorer l'homme, la paix profonde de son cœur. Et tout cela allait aboutir à cette chose, être aimée par ce vagabond, comme une bête, dans les campagnes pleines de nuit. Brusquement, il lui colla à la bouche ses lèvres chaudes. Elle ferma les yeux, demeura un instant à savourer cette blessure faite à sa vie. Et tout à coup, se détachant de lui, furieuse, redressée, hautaine, elle poussa un cri et se mit à courir devant elle sur le chemin en pente. Ce fut une chasse dans la nuit. Il l'atteignit, manqua la renverser. Elle le supplia, « Pas cette nuit !» Demain, elle se pendait à lui, cherchant à comprimer ses poignets dans ses mains. Des voix qui s'approchaient lui firent lâcher prise. Elle s'échappa. On la cherchait partout. Il fallut inventer des prétextes. Elle dit qu'elle avait rencontré des connaissances. Elle cita des noms. On l'avait obligée à danser sur le chemin. Cela expliquait un peu le désordre de sa toilette. Du reste, à force d'être serrées dans les bras de leurs danseurs, Célina et Zoé étaient aussi mal arrangées. Le feu de ses joues se confondit dans leur rougeur à toutes deux. Il y avait de l'homme dans leur robe fripée, comme dans sa robe lacérée. À elle,